tragédie d'une trajectoire. Donc Kazé est avec nous aujourd'hui dans Le Secret du Son d'Abba. Donc un album réalisé en 2006, c'est ton premier. Si je dis 15 ans de rap, je suis à côté de la plaque. Si tu dates ça à partir d'un premier scud ou d'une première apparition sur 10, ouais, peut-être que ça l'est fait, ou moins même. Mais je me souviens lors d'une table ronde il y a une semaine dans le cadre du festival Urban que tu évoquais l'âge de 13-14 ouais, ans. Ouais, j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à écrire et rapper, mais ça je compte pas. Si je dois compter à partir de la... Moi, j'aurais tendance à compter à partir d'une première apparition sur 10, et ça c'était... Je sais pas, ça devait être 94, 95, ouais, par là. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Voilà. Et premier featuring, c'est la compile L432. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la première apparition sur un 10, L432. Ouais. Ok. C'était déjà un signe ou pas? Un signe 2. Bah, autour de ce thème là, de cette compilation. Je sais pas, moi j'ai pas pris ça comme un signe, tu vois, c'est une invitation, j'y suis allé, tu vois, je me suis rien dit de particulier, quoi. Et du coup, pendant toutes ces années, du coup, t'as développé ton univers, commencé à écrire, continué à faire des rencontres, pour aboutir donc à les années 2000, au milieu des années 2000, donc à ce premier album solo, qui avait été précédé d'un EP. Ouais, d'un maxi et Ennemi de l'Ordre. Ouais, après tu t'avances, tu fais ta petite vie, t'écris, t'enregistres. Voilà, franchement classique, quoi, banal. Enfin, très banal. Très très banal. Alors ton entourage, c'est le crew En Falche, qui s'est constitué, j'imagine que c'est de manière informelle, pas à un moment donné, on s'appelle En Falche, etc. Ouais, mais... c'est des rencontres, on traîne ensemble, ouais. on traîne entre rappeurs. Et puis ça fait combien de temps qui sont les principaux acteurs autour de toi? Il y a B-James, Prodige, Eri, Lalou, Cho. Voilà, et puis voilà, avant on était un peu plus nombreux, après il y a eu un peu d'écrémage au passage, et puis là on est, voilà, c'est les noms que je viens de te citer. On d'accord, est, tout ce petit monde nous vient de la région parisienne ou ouais, c'est ouvert? Oui, essentiellement Blanc-Ménil pour la plupart, et puis Prodigé de Sarcelles, et puis Cho il est du 91, banlieue sud. Ok. On va s'écouter justement un extrait de l'album Acte de Barbarie de B-James tout de suite, si je ne m'abuse. Donc c'est un album, c'est la dernière production pour En Falche en fait, si je ne me trompe pas. Chez nous, le dernier vraiment c'est Prodige qui est sorti, qui est sorti au mois d'octobre. On écoutera juste après. Ouais. Ouais. Très bien. Un petit mot sur B-James, du coup la rencontre et puis une petite discographie déjà là. B-James, Les Queues de la Haine, Représailles, des compiles, des mixtapes, et puis son album qui est sorti maintenant, ça fait quasi 2 ans, cet album-là, de Barbarie. On était ensemble aussi sur un album de Zone Libre, Contes du Chaos. Les Contes du Chaos. Et voilà, et puis on poursuit ensemble. C'est un album qui a été produit par En Falche, donc ça veut dire que vous coltinez tout de A à Z finalement. Ouais, quand on a des sous pour faire nos disques, on met les sous, on fait nos disques. Question bête, mais en fait on va être un peu, je dirais, entre gens qui produisent des disques, parce que voilà, Grigoula a un label, j'ai un label. D'accord. On sait de quoi on cause. Est-ce que c'est un choix, une obligation? Est-ce que c'est parce que d'autres structures vous ont fermé les portes, ou c'est vraiment une volonté, comme on dit, do it yourself, ouais, on fait les choses jamais, par nous-mêmes, parce que voilà. On n'a jamais, même jamais, on n'a jamais démarché, quoi. Enfin, ça nous est jamais passé par l'esprit, mais aussi on a aussi conscience que, enfin, démarcher pour nous, ça n'a pas tellement de sens. Comment en 2011-2012 on distribue ce type d'album? Vous avez un distributeur, ou est-ce que c'est vraiment les réseaux amicaux? Non, on va avoir un distrib, celui qui est le plus ouvert à distribuer nos disques en général, c'est Musicast. D'accord. Voilà. D'accord. C'est à peu près lui qui fait peut-être 80% du rap qui existe sur le marché. D'accord, donc vous allez passer par lui. Voilà, on passe par lui. Tout, une fois que c'est terminé, voilà. Qu'est-ce qui te touche dans la... Tu produis la musique de Bee Gees, enfin, vous la produisez ensemble, parce que c'est une collaboration plus que juste enfin, un... Enfin, nous, c'est, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun, quand il a ses sous, chacun met les thunes dans son album. Comme ça, on n'embourbe personne. Il n'y a pas de, mise au pot commun. Non, on n'embourbe personne. Comme ça, chacun prend ses responsabilités. Ses responsabilités. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te... Tu collabores depuis longtemps, tu le connais bien. Qu'est-ce qui, dans le propos, dans la musique, ce qui dégage, hein, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant de Bee Gees? C'est compliqué d'en parler parce qu'on se connaît depuis très longtemps, on est du même quartier. On se connaît depuis qu'on a facilement 15-16 ans. Tu vois, donc avant qu'il y ait quelque chose qui me touche, c'est juste on traînait ensemble en fait. on a toujours traîné ensemble et puis après... Après, ce que j'aime chez Bibi, et c'est la même chose chez Pro, c'est que je pense que c'est comme ça qu'on est à peu près tous les trois, c'est que vraiment on fait en fonction de qui on est. Donc c'est pour ça qu'on est très très différents en fait, que ce soit Bee Gees, Prodige ou moi. On est à peu près d'accord sur 2-3 choses, mais sinon il y a des trucs où on est très très extrêmement différents parce qu'on n'a pas les mêmes vécus. On n'a pas les mêmes vécus, on vit pas de la même manière. Donc ce qui ressort de ce qu'on fait, c'est pas du tout la même chose, mais en même temps c'est ce qui nous lie, parce qu'on est chacun très très proche de ce qu'on est dans ce qu'on écrit. Donc on diffère énormément, en fait on est vachement différents, mais le propos commun, je pense qu'on a en commun, c'est de faire qui on est, quoi, sans mascarade, sans maquillage. Voilà, et c'est ce que j'apprécie autant chez Bee Gees et Prodige, c'est que tels qu'ils sont dans la vie, tels qu'ils parlent, tels qu'ils vivent, c'est ils écrivent exactement de la même manière. Il y a pas d'artifice en fait. Voilà. On va s'écouter l'un puis l'autre. On commence par Bee Gees. J'ai pas le titre en tête. Accord et Acri. Accord et Acri. Extrait de Acte de Barbarie sur En Falche dans Le Secret du Son d'Abba. Bee Gees. B.J.A.M.E.S. La banlieue avec un grand B, cousin. Pour tous les petits frères qui font balle à Schmidt. On tourne toujours avec un enfant vide, cousin. Toujours au bord de l'émeute. Innocence noyée dans l'essence, ma gueule. Les hélicos tournent et les locaux flambent. C'est juste la conséquence de leur offense. Il fait nuit noire. Les lumières bleues éclairent la ville. Le froid hivernal cède sa place à la guerre civile. On vient de perdre deux de nos petits frères. Les suspects sont identifiés, ils sont dangereux et lourdement armés. Signe particulier, un signe uniforme. Ils bénéficient au plus haut niveau de l'État d'un appui énorme. Toujours le même mode opératoire, leurs balles perdues, c'est toujours vers des Arabes et des Noirs. Ils encerclent notre territoire, nos recours sont dérisoires. On réplique et on souhaite leur victoire illusoire. Y'a eu mort d'homme, donc ce soir personne ne raisonne, sauf le Zaef et la testostérone, cousin. On a des cocktails au sans-plomb, des flashballs. Chez nous, des guerriers surarmés dorment dans chaque hall. Maintenant, c'est l'heure des représailles, nous parle pas de tôle. On fait des allers-retours normales, comme dans notre colonne. Quand la nuit tombe sur ma ville, y'a tous les schtroumpfs en civil, fidèles au poste pour accomplir leur besogne civile. Et si ton devient menaçant, on sait quoi faire ici. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Les véhicules brûlent, les incrédules hurlent, dépités. Ni la pitié ni la piété ne peuvent nous stopper. Ma banlieue à feu et à sang, c'est notre décor qu'on décrit. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Il fait nuit noire, la tension monte d'un cran. Les télés sont déjà là, ils retranscrivent sur écran. À qui profite le crime, à la base de ce mouvement? Nos frérots sont-ils morts pour que leur part d'audience franchisse les 30%? La question de choc, imagine pour nous. On s'occupe jamais de la banlieue, sauf qu'on pèse tout. On a des tueurs assermentés qui viennent nous éliminer et qui reviennent ensuite tenter de nous calmer, cousin. C'est du jamais vu, guerre contre l'Arthur. Où sont ces putes de rappeurs qui me parlaient de la rue? Pareil que t'es strict, cousin, que t'es strict, cousin. Que tu fumes tes mecs même pour un grec frit, cousin. En fait t'es juste un sketch, juste un clown plein de prêches. Tu ferais mieux troquer ton streetwear contre un slim stretch. Pour cette fois les projecteurs seront ceux des hélicoptères. Faire la guerre c'est un métier, c'est les émeutiers qui éclairent. Sur ma ville y'a tous les schtroumpfs en civil, fidèles au poste pour accomplir leur besogne civile. Et si ton devient menaçant, on sait quoi faire ici. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Les véhicules brûlent, les incrédules hurlent, dépités. Ni la pitié ni la piété ne peuvent nous stopper. Ma banlieue à feu et à sang, c'est notre décor qu'on décrit. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Il fait nuit noire. Pourtant je vois que les schtroumpfs chient dessus, malgré ce qu'ils essaient de faire croire. Mon trottoir est jonché de carcasses calcinées. C'est eux qui calent et nous qui rions sur l'asphalte chuiné. on va taire le coup du coffre. Tu verras, c'est marrant, pas compliqué. Le gagnant est celui qui reste vivant pour corser le tout. J'asperge du gaz lacrymogène, un plus à la Big James pour ce carabé négrogène. Les mecs poursuivent dans mes tours, suis-moi. À ton avis, de flic dans l'armoire électrique, ça fait court-circuit. Jeune masqué contre flic casqué, et comme arbitre, leur petite pute de chaîne publique. Je suis la violence gratuite, verbale, urbaine, physique. Y'a que de la haine dans ma banlieue malsaine. Sortie des cages de la Seine-Saint-Denis, une énième scène de pillage aura lieu cette nuit. Quand leur nuit tombe sur ma ville, y'a tous les schtroumpfs en civil, fidèles au poste pour accomplir leur besoin civil. Et si le ton devient menaçant, on sait quoi faire ici. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Les véhicules brûlent, les incrédules hurlent dépités. Ni la pitié ni la piété ne peuvent nous stopper. Ma banlieue à feu et à sang, c'est notre décor qu'on écrit. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Y'a tous les schtroumpfs en civil, fidèles au poste pour accomplir leur besoin civil. Et si le ton devient menaçant, on sait quoi faire ici. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Les véhicules brûlent, les incrédules hurlent dépités. Ni la pitié ni la piété ne peuvent nous stopper. Ma banlieue à feu et à sang, c'est notre décor qu'on écrit. Aucun accord, on réclame leur tête à corps et à cri. Des coins qui puent, du venin, du pu, des contrats rompus, tout ce qu'il y a de corrompu. En guise d'accueil, le mauvais œil, l'avarice et l'orgueil, tout ce qui porte le deuil. T'auras gratteur d'acédique, squatteur sceptique, menteur psychotique, sondage et statistique. À tout âge, pas de rêve, ni même de confort, mais des cris de truie, du bruit et pas mal d'efforts. C'est tout ce que t'auras, des délinquants, des truands, des voyous, des wesh wesh, des yo-yé, des cris de you-you, des narvalos, sous au bout du rouleau, parce que son boulot, prêt à faire une boulette. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras. Drogue douce, drogue dure, et puis des ordures, képi, avec une paire de couilles à la ceinture, sans répit. Humiliation, arrestation, détention, centre de rétention, égale expulsion à tous les étages. De la frustration et du chantage, des séquestrations et des prises d'otages. Foutage de gueule, belles paroles, promesses sans fin. Du ras-le-bol et des grèves de la faim. L'arroseur arrosé, refus à l'embauche. Motif, trop bronzé, la chance que tu chevauches. La poisse qui te cravache, vache folle et grippe aviaire. C'est tout ce que t'auras pour finir sur une civière. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras. Délocalisation ou bien licenciement, les pieds dans le ciment, guise de remerciement. Hommage, hommage, dommage, collatéraux, les gens sur le carreau, c'est la merde depuis que c'est l'euro. C'est tout ce que t'auras. Des pompiers pyromanes, des mythomanes, des kleptomanes, des nymphomanes. C'est la crise profonde et le malaise. Tous ces politiciens qui volent et fuient à l'anglaise, les financements occultes, des paradis fiscaux, le système judiciaire qui est un fiasco. Racisme, jusque dans les stades de foot, derrière la carte postale, t'auras tout ce qui te dégoûte. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense. C'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, c'est tout ce que t'auras, pays de mon enfance, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, c'est tout ce que t'auras. Prodige dans Le Secret du Son d'Abba, Kazé, donc toute dernière production chez Enfalche. Prodige, ouais, c'est sorti cette année. Ouais. Enfin, l'année dernière. Voilà, 2012. À l'automne 2012. Voilà. D'accord. Pareil, donc en Falch, donc production, c'est lui qui a mis ses sous sur la table. Exactement. Et qui se débrouille. Et qui se débrouille. Qui est Prodige? C'est même génération que Big James et toi? Même génération. Il est de Sarcelles. Mm-hmm. Lui, c'est banlieue nord, mais côté Sarcelles. Mm-hmm. Et, 95. 95. Et puis voilà, c'est pro, quoi. C'est Prodige. Ok. Qu'est-ce qui à l'instar de Big James, qu'est-ce qui fait que il fait partie de l'équipe ou de l'aventure là avec vous? Pareil, je te dis, on se connaît depuis longtemps, on traîne ensemble, ça rappe ensemble, et puis à un moment donné, quand vient le moment d'essayer de faire des choses, s'organiser un peu, commencer à faire nos premières, surtout les premières mixtapes, les queues de la haine, ensuite les représailles. Ah bah ça s'est fait ensemble quoi, on partage, on a à peu près un point de vue commun sur deux trois choses et puis surtout on est à peu près fabriqué pareil tous les trois, c'est qu'on est assez associable quoi. Donc vu qu'on n'aime pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit, on fait nos affaires tout seul en fait. Voilà, c'est surtout ça qui nous lie en fait. Ça mérite d'être clair. Alors j'avais souvent quand on lit les interviews, on te fait le coup du rap fier, du rap debout, du rap fort, du rap radical, etc. Mmh. Bon, on va pas te bassiner avec ça, j'avais plutôt envie de te parler du rap français en premier lieu que t'as écouté ou que vous avez écouté, Pro, Big James et toi, les principales influences, je sais pas, du côté d'Idéal J ou les premiers disques de rap français étaient pas nombreux, donc je pense qu'on a été toute une génération à écouter exactement les mêmes. Ouais, les Sage Po, Idéal J, NTM. Un peu avant, t'avais NTM, Assatrin, ouais, les Little, New Generation M6 qui ont jamais sorti de disque, qui existait sur les cassettes de Nova. Je pense qu'on est toute une génération à avoir écouté en boucle les 4-5 mêmes disques, la compile rap attitude. Bien sûr. Voilà quoi. Voilà, c'est maintenant c'est plus diversifié qu'il y a 20 ans. C'est la grande explosion là depuis quelques années. Ouais. Et justement là-dessus, comment vous vous situez par exemple à l'éclatement des courants, mais aussi des visions, parce que on va pas rentrer dans la polémique, parce que ça a été clair dans les interviews qu'on peut lire de toi sur le positionnement vis-à-vis de Skyrock, etc. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce que vous avez l'impression que tu parlais de distribution de disques aujourd'hui via Musicast, est-ce que vous avez l'impression que à travers des formes de distribution alternative, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui on arrive à être autre chose que le rap français et autre chose que celui-là qui est surprésenté en tout cas dans les mass médias quoi. Bah, aujourd'hui tu vas trouver un peu de tout, je pense que ceux qui aiment le rap français peuvent trouver, enfin peuvent beaucoup plus facilement trouver ce qui est dans leur goût, je pense. Je pense qu'il y a vraiment tout type de rap aujourd'hui quoi, vu qu'il y a énormément de disques qui sortent. Il y a actuellement, notamment en ligne, on trouve des forums, etc. Sur Facebook, il y a le vrai rap français, choses comme ça. Est-ce que ça te passe au-dessus ou est-ce que tu as envie de prendre parti sur les polémiques mainstream, underground, rap français, ce qui supposerait qu'il y a un faux rap français? Ouais, honnêtement, je m'en fous. Moi, je veux juste faire mes trucs. C'est pas mon problème, leurs histoires. Je comprends même pas ce que ça veut dire, en fait. Il y a ni de vrai, ni de faux. Il n'y a pas à polémiquer pendant 10 ans à savoir si le rap s'est dénaturé, embourgeoisé ou autre. C'est pas des questions qu'on pose à d'autres musiques en fait. On ne demande pas au rock s'il s'est embourgeoisé, s'il s'est dénaturé, Oh, je te rassure, t'inquiète pas. Ouais, mais c'est rare. On a l'impression, j'ai beaucoup l'impression que c'est au rap de porter ça, de porter le poids de l'authenticité, d'être au contact de son milieu d'origine, ce genre de choses. On demande beaucoup moins ça à d'autres musiques. Donc le rap, il est comme tout le monde, quoi. Il a sa variété aussi, il a ses expérimentations, il a différentes façons de faire, en fait. Voilà, faire, de produire, de s'envisager, il est aussi différent des gens qui le composent, en fait, et de leurs aspirations. Donc voilà, je pense que ce qui dérange les uns et les autres, c'est à savoir qui est-ce que, effectivement, mais ça c'est partout, il n'y a pas la place pour que tout le monde bouffe. C'est parce que la vraie histoire, elle est là, c'est qui va becter. C'est tout. Bien entendu. On poursuit avec Al. Alors ouais. Présente-nous un petit peu cet artiste que moi je connais pas du tout. Bah elle, il fait partie de Matière Première, MP, et avec des rappeurs essentiellement de Dijon. Et voilà, et c'est son deuxième album, c'est un extrait de son deuxième album qui s'appelle Terminal 3 et qui est sorti aussi l'automne dernier. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Comment s'est fait la rencontre avec Al? Bah pareil, on se connaît depuis super longtemps, je peux même plus dater, on est voisins, on habite pas loin l'un de l'autre, on vit tous à peu près dans la même ville. D'accord, parce que pour autant, ouais. Il est pas de Dijon lui. Il est de Dijon, mais il vit à Paris depuis quasi 20 ans. D'accord. Et comme toi, tu viens de Rouen et tu vis depuis très longtemps à Paris. Voilà. Voilà. Et voilà, et puis je kiffe ce qu'il fait, pareil, au même titre que Prodige et puis James, quand on côtoie Al et quand on écoute ses disques, c'est exactement la même chose, quoi. C'est son tempérament, ses réflexions, il est singulier à sa manière, parce qu'en fait il est ce qu'il est. Il est tel qu'il est sur disque, sa façon de rapper, sa façon d'écrire. Les réflexions qu'il a à travers ses morceaux, c'est lui, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'apprécie aussi dans le Peura. On s'écoute un extrait donc de Terminal 3, c'est le morceau Je suis. Je suis refait. Je suis refait. Voilà. Par Al. Dans Secret. Un homme peut changer de tout. De visage, de maison, de famille, de copine. De religion, de Dieu aussi. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, Benjamin. Il ne changera jamais. De passion, de passion, de passion, de passion. Pour que j'arrête, il faudra qu'on me force. À 50 piges, Harlem, les darons portent encore des Air Force. Les lyrics qu'on a pudeur que notre époque réclame. À l'heure où les schnecks montrent leur chat sur les webcams. Tu ne veux pas te tromper, je t'en prie, vas-y approche ombré. Je vais te montrer jusqu'où l'homme peut sombrer. Aucune partie du globe ne pourra te cacher ses microbes. Lorsque le micro devient microscope. J'aime les MC qui t'enrichissent, pour des couplets comme des cataclysmes. Moi, j'aurais fini pop s'il y a vu du rap au catéchisme. Mais hip-hop, oh je me suis rattrapé quand j'étais en retard. Crois-moi, moi j'ai appris l'anglais en écoutant Gangsta. Cette musique, j'ai le cœur brisé quand on veut réduire sa colère au silence. J'ai été séduit par sa violence. Elle m'a regardé me disant bien. J'y suis allé, j'en avais envie. Les voix conventionnelles souhaiteraient que je revienne. Émerveillé par l'autopsie, les muscles, les nerfs, le sang, les viscères. Je n'ai jamais été aussi bien viscère. J'y trouve tout ce que j'aime. La raison, la passion, l'émotion. Voilà tout ce qui m'amène. Parce que cette musique me ressemble comme mon reflet. Là où je suis refait, je suis refait. J'y trouve tout ce que j'aime. La raison, la passion, l'émotion, voilà tout ce qui m'amène. Parce que cette musique me ressemble comme mon reflet. Là où je suis refrain, je suis refrain. Partout où je vais, elle est toujours là comme une sourmuée à Châtelet. Pour moi c'est exhaustif, ça me pète la tête comme un exocète. C'est comme ça que j'aère, que j'ouvre la fenêtre. Parce que ça pue quand le quotidien pète. Va pas se vexer, laisse-moi avec ça. C'est mon médecin, mon destin n'a pas encore trouvé d'autres vaccins. Pour que j'arrête, mais il faudra qu'on me force. À 50 piges, Harlem, les darons portent encore des Air Force. Plus jeune pour chaque scud que j'avais acheté. Dans le bus au retour, je lisais le livret entier. C'est le club où toute ma vie je serai licencié. Tout au long du sentier, de la tétine au dentier. Pour être entier, aucune mélodie ne m'a jamais semblé aussi bonne. Depuis les berceuses que me chantait ma daronne. J'enferme les yeux, le monde devient paisible. Quand je me persuade que mon MP3 et ma capuche me préservent. J'y trouve tout ce que j'aime. La raison, la passion, l'émotion, voilà tout ce qui m'amène. Parce que cette musique me ressemble comme mon reflet. Là où je suis refait, je suis refait. J'y trouve tout ce que j'aime. La raison, la passion, l'émotion, voilà tout ce qui m'amène. Parce que cette musique me ressemble comme mon reflet. Là où je suis refait, je suis refait. Nos vécus remplissent nos répertoires. On s'inspire de nos vies comme on siphonne des réservoirs. Selon la chirurgie de l'espoir, les cahiers sont blocs opératoires. Pour ceux qui veulent avoir la gueule des gens qui connaissent la gloire. J'ai pas attendu Facebook pour raconter ma life. Je déborde de strophes, c'est mon taf, mon mal cherche un loft. Faut pas le cacher, je suis dans le rap, ça se voit dans ma sape. Le L c'est ma taille, le double XL c'est mon style. Sur des punchlines mon espoir est bâti. Je persiste quand il n'y a pas de victoire et pas de titre. Même si ça m'affaiblit comme une hépatite. Nos rites, nos mœurs, nos légendes et nos mythes gravitent autour de samples et de breakbeats. Sur des décombres obscurs, vers un sombre futur. Autour de rimes qui se bousculent, ma vie s'articule. C'est un monde où tout dure, un refuge une rupture. De H en majuscule, de l'aube au crépuscule. J'y trouve tout ce que j'aime. La raison, la passion, l'émotion, voilà tout ce qui m'amène. Parce que cette musique me ressemble comme mon reflet. Là où je suis refait, j'y trouve tout ce que j'aime. La raison, la passion, l'émotion, voilà tout ce qui m'amène. Parce que cette musique me ressemble comme mon reflet. Là où je suis refait. Inquiétez-vous le jour où vous m'entendez plus. Je serai peut-être sous une couverture de garde à vue au CHU. Entre les mains d'un keuf ou d'une infirmière moustachue. Vous êtes prévenus, ça va, t'as rigole plus. S'agit d'ouvrir les fenêtres, d'évacuer la fumée. D'évaluer à peu près où t'as perdu tes lunettes 3D. Écrire fuck dans la buée et l'appliquer. Quand tu te retrouves importuné par importuné. Traverser des passages floutés. Attendre que le bonhomme soit rouge de rage, honteux de ce qu'il est. On te déclare égaré quand t'as que le porte-clé. On s'est bien éclaté, éclaté, éclaté. Bien éduqué, c'est pour pas faire chier les pompiers. Que je me suis pas jeté du quai. Pris mon pied dans des choses trop petites. Compris trop vite que le jeu était truqué. Dans une famille riche, on aurait peut-être pu croire que j'avais fugué. S'en suivront des lundis, mange de chômeur à fumer du muguet. Divulguer un petit bout de ma personnalité. J'étais ni en arrêt, ni en pension d'invalidité. Inquiétez-vous le jour où vous m'entendez plus. Je serai peut-être sous une couverture de garde à vue au CHU. Entre les mains d'un keuf ou d'une infirmière moustachue. Vous êtes prévenus, Avatar rigole plus. Inquiétez-vous le jour où vous m'entendez plus. Je serai peut-être en train de lire un livre que j'ai déjà lu au SHQ. Sache qu'avec mon petit doigt je peux cacher la lune. Vous êtes prévenus, Avatar rigole plus. S'agit de fermer les fenêtres, éviter que les autres sautent. Le désastre, je peux être compris que des astronautes. Ma joue droite, des traces de rouge à lèvres après des tonneaux. On n'est plus en colo pour que tu m'écoutes en mono. Cérémonie recherche maestro pour faire gaulerie. Je pourrais remplir des champs de gens qui maestro. Prépare des coups magistraux. Anticipe et mets déco pour d'éventuels frais de tribunaux. Ces virus c'est ta mère sous un bureau. Une histoire qui ferait rire les enfants des hôpitaux. Un déguisement pour passer un incognito reconnu aussitôt. Sorti de cellule de dégrisement. Putain, déprimant ces humoristes. J'étais meilleur public avec Jacques Daniel, Philippe et Maurice. Ils font toujours les mêmes sketchs. Sur la clope, l'avion, leur belle-mère, leur panne de sexe. Inquiétez-vous le jour où vous m'entendez plus. Je serai peut-être sous une couverture de garde à vue au CHU. Entre les mains d'un keuf ou d'une infirmière moustachue. Vous êtes prévenus, Avatar rigole plus. Inquiétez-vous le jour où vous m'entendez plus. Je serai peut-être en train de lire un livre que j'ai déjà lu au SHQ. Sache qu'avec mon petit doigt je peux cacher la lune. Vous êtes prévenus, Avatar rigole plus. S'agit de fermer ta gueule, d'ouvrir tes oreilles. Mon nez rouge c'était l'alcool, plus un petit coup de soleil. Partout où je vais je traîne mes casseroles. Inutile car je déjeune aux tartines de beurre noir et au ras-le-bol. Pas d'humeur à me taper des barres de LOL. J'ai l'air heureux mais j'ai pas les paroles. Pensant 90% des nains je rigole. Les vedettes ont intérêt de remettre un anti-viol. We'll be right back. Virus dans le secret du son d'Abba, l'ambiance est bien plombée, c'est bien redescendu, des paroles bien clairvoyantes, en tout cas qui touchent en plein cœur. Tu peux en tirer deux mots de Virus, Kazé? Virus, il est, il est de l'agglomération rouennaise, de Vernon plus précisément, à côté. Et puis fort, c'est tout. Ouais. En tout cas, il a bien plombé l'émission là, les paroles bien. C'était plein d'émotions en tout cas. Mm-hmm. Il y avait là aussi, il a sorti un album. Virus, il a sorti 3 maxi qu'il a rassemblés sous un album qui s'appelle le choix de la date. Et c'est extrait de 3 maxi différents qu'il a sorti à différentes périodes. Et il a tout rassemblé et tout. Et c'est vraiment mortel. C'est vraiment mortel. Et du coup, c'est quelqu'un par exemple que t'as croisé sur scène, que t'as... Non, c'est croisé, ça s'est fait par le biais de Cho qui fait nos pochettes, nos clips, et puis qui a bossé avec lui, et puis de fil en aiguille, on s'est côtoyé, et puis c'est le même délire, il est associable, il est complètement fou, il en a rien à foutre, donc du coup on s'est très bien entendu. Ça, comme quoi on peut être associé puis bien s'entendre avec certaines personnes. On se rassemble entre nous et ça se passe bien. Et du coup, qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve sur scène? Est-ce que on sait à quel point le rap a toujours cultivé le futuring, mm-hmm. le freestyle, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel toi tu es toujours hypersensible Ouais, tant qu'on peut faire ça, s'inviter les uns les autres et qu'on a la possibilité de faire des choses ensemble avec l'équipe, avec Enfalche, avec Al, on le fait. Voilà. C'est-à-dire monter carrément des dates, vous êtes tous les... Ensemble, ouais, si on a l'occasion, on fait, ou sur les dates des uns et des autres, en fait, surtout comme ça. C'est peut-être plus facile en région parisienne pour des questions simplement économiques, en fait, qu'en région, de faire venir les uns et les autres. Non, enfin, je sais pas, je peux pas te dire que si c'est plus facile en région parisienne, enfin là... En ce moment, je fais des dates, voilà. Donc, si sur certaines dates, certains peuvent venir et viennent, ça dépend. Tu vois, c'est franchement là-dessus, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle établie. Ouais, vraiment pas. Et comment, justement, toi, t'as quand même bien bourlingué, t'as fait quand même beaucoup de scènes. Comment toi, comment tu le vis à la scène? C'est quoi la différence entre pour toi écrire, produire, enregistrer? Et ce qu'est la scène, car on sait que voilà, caser en concert, c'est quelque chose, quoi. C'est la scène, c'est l'aboutissement, en fait. C'est le seul truc, c'est le seul moment où tu prends, hormis peut-être quand t'écris ou tu te prends un peu la tête, mais c'est le seul moment où tu prends un réel risque, en fait, quand t'es sur scène et puis où tu te confrontes à des gens que tu connais pas, où t'es à nu. Où tu peux pas mentir non plus, tu peux pas tricher, tu peux pas mentir sur scène, tu peux pas, tu vois. Et puis c'est le seul moment vraiment où t'exécutes quelque chose d'un peu risqué, sans filet. Donc pour moi c'est le moment le plus intéressant, en fait, dans le processus d'un disque. Et puis c'est celui que tu recherches, quoi. Franchement, honnêtement, sortir des disques, c'est pour faire des... pour moi, le seul intérêt, c'est faire des concerts, c'est tout. C'est pour ça, c'est le prétexte ultime pour faire des concerts. Vraiment. On poursuit avec Assassin. Retour à la scène, aux historiques de la scène hip-hop française. T'as écouté Assassin? Ouais, quand beaucoup. J'étais jeune, ouais, j'ai écouté. J'aimais bien. Ouais. Greg, t'as choisi quelle période? La première, hein, premier maxi. carrément. 92, alors, genre. Là, c'est vraiment pour illustrer. Voilà, parce que moi j'ai écouté Assassin en 92 et du coup j'étais là, waouh, c'est cool, ça va être l'occasion d'en parler. Et du coup, c'est vrai que moi, ça avait été un choc quand j'ai écouté Assassin, le flow de Rocking Swad, c'était quand même les prods de Dr. L et tout ça, c'était quand même à l'époque, ça soufflait, quoi. Et le propos. Et en tout cas le contenu, quoi. Aujourd'hui, ce qu'il a avancé en termes de sujets, ils sont toujours d'extrême d'actualité. Est-ce que c'est quelque chose, en tout cas, à travers tes textes, on voit des choses autour de quelque chose de très urbain, du vécu, etc. Est-ce que toi, tu t'autorises ou pas d'avoir de ce que tu peux vivre, en tout cas au quotidien, ce que tu peux imaginer, de pas d'extrapoler, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais de voir le lien avec ce qu'on vit en dehors de ton quotidien. Ouais, bah ouais, de toute façon, l'écrit, ça permet tout. Tu peux retranscrire ta vie à toi, mais pas nécessairement. C'est pas nécessairement auto-centré, le rap. Enfin, dans le rap, ça pratique le 15e degré, la mise à distance. Il y en a qui utilisent des personnages, qui racontent des histoires. Enfin, c'est ouvert, en fait. Le rap, écrire, c'est ouvert, en fait. C'est ouvert. Jusqu'à la dimension plus politique, c'est-à-dire vraiment sur les choix de société et l'organisation. Ouais, de... t'as ça, mais bon, après, chacun peut voir de la politique où il veut, quoi, tu vois. Mm-hmm. Tu peux voir de la politique dans une histoire d'amour, si... Ça, c'est des interprétations, tu vois, comment c'est interprété la musique, t'as différentes lectures, quoi, tu vois, vraiment. Donc, après, tu peux avoir effectivement un espèce de appliquer un canevas politique clair et net en parlant de la société, mais il y a des gens, quelle que soit l'histoire qui sort de leur bouche, au regard de leur positionnement dans la société, c'est politique. Mmh. Tout ce qu'ils disent est politique, en fonction de qui ils sont et quelle place ils occupent dans la société. Donc moi, la politique, j'ai pas tendance à la voir uniquement dans des chansons qui disent voilà quelle est la société, quel est le système. Ça peut être juste quelqu'un qui marche sur le bord d'une route, ça dépend quelle route, qui marche, tu vois. Et ça peut devenir politique, je sais pas, ça c'est des interprétations en fait, c'est chacun en fonction de ce qu'il a vécu et de ce qu'il voit dans un morceau, en fait. Assassin, la formule secrète de le retour, tirée de le futur, que nous réserve-t-il ? 1992. Oui, Assassin va tuer juste pour toi et tu le sais. Car il est vrai que la ligne de la formule a conquis les foules. Donc s'il te plaît, dans l'autre joue, car en voici le retour. Plus qu'un retour, car nous ne sommes jamais partis. Et l'académie s'est agrandie depuis la dernière apparition. Le métaphysicien de l'écriture est plus que jamais en action. Contre l'état et ton état psychique me rappelle que tu es l'un avec moi. Ma formule n'est enseignée qu'au sage, plus qu'un message. Elle détient les allures de présage quand je la tuque. Ma scientifique chine décapite toujours l'élite. Aucun homme politique ne sait ce qui est bon pour mon quartier. Puisque l'ascension de ma formule est devenue un fait régulier. J'entends toujours des merdes sur les fréquences que je décris. La radio aussi promotionne leur putain d'économie. Les radios dans la ville sont contrôlées par des fils de putain. Le underground le sait bien, d'un avec assassin. Yeah, personne ne contrôle l'odyssée du courant musical qui ne se laisse pas canaliser. La peur des informations révolutionnaires quand on se met le rap. La peur du réseau de communication que cette musique a quand elle frappe amènera la paix mais d'abord l'impact. Et j'en barre plus fort, la partie nord est en accord avec le plus hardcore. Non, ma formule d'abord. Le secret de cette formule pseudo-mystique semble bien des polémiques. Qui l'a, qui ne l'a pas? Ça ne se voit pas, ça se sent, se ressent à travers l'envergure de l'équilibre que l'aura dégage de l'attitude. L'absence totale de rancœur afin de vaincre la peur. Quelle inaptitude, excuse à laquelle je me refuse. Solo success, pas d'entre deux capiche. Le topo permettant de vaincre le chaos psychique que le ghetto c'est d'être constamment on the go. Putain d'attitude. solitude. Reviens sur les devants de la scène jouant avec exactitude. Toutes les bullshit qui gravitent dans vos hits. L'éducation avec de remède facilite la récupération politique. Tu me suis devant la faillite du système éducatif. Devant le manque de leaders politiques actifs. Le rap est une source d'information autonome. Rien que les vapeurs de mon entourage. Personne ne manipule ma formule. Ennemi dans le secret du son d'abat, oui, on avait vraiment envie de se faire un petit détour par New York. Et puis ils sont à l'Orient le 26 avril. Alors, voilà, alors bon, c'était quand même un clin d'œil, un joli clin d'œil. Voilà, c'est vrai que la France les aime bien, Public Enemy. Ils ont tourné dès je me souviens d'une date en 1990 à Saint-Brieuc, j'avais pas pu y aller, j'étais vert. J'étais absolument vert. Ça veut dire que t'es vieux quand même. Ouais, voilà. Bref, mais voilà, ils tournent depuis longtemps et on les aime depuis toujours. Et je crois, Kazay, que toi aussi. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que. Je pense que tu vas rarement rencontrer quelqu'un qui dit qu'il n'a pas aimé Public Enemy. Je sais pas. On sait jamais. Je pense pas. Je pense que ça n'arrive pas. Ça. En tout cas, qu'est-ce que ça t'inspire, quand même, cette histoire incroyable, cette aventure qui ne s'arrête pas de Public Enemy et le fait de. À un moment donné, ça se posait la question, dans d'autres genres musicaux, elle se pose, mais elle s'est posée aussi pour le rap. C'est est-ce qu'on peut vieillir dans le rap? Est-ce qu'on peut encore rapper alors que, je sais pas, ils ont quel âge là? 50 ouais, en tout cas, c'est ce que Al dit dans son morceau tout à l'heure. 50 ans, ouais. Bah, si tu fais pas de jeunisme, si tu essayes pas de plaire à des mômes de 12 ans, tu vois, et que tu réponds pas nécessairement aux attentes du format de l'industrie, oui, je pense que tu peux vieillir, mais vu qu'à chaque fois, pris de panique ou complètement effrayé à un certain âge, La plupart des rappeurs essayent de gagner du public et surtout un public plus jeune. Donc du coup, oui, à 50 piges, tu parles à des mômes de 12 ans, t'as l'air con. Mais si tu t'assumes et que t'assumes que les gens qui viennent te voir soient de ta génération et que ça te pose pas de problème, et que ça te frustre pas, ça génère ni amertume ni aigreur, bah tu peux vivre, ouais, pour moi il n'y a pas de problème. C'est possible. En tout cas, avec des hauts et des bas, Public Enemy vieillit plutôt bien. Bah, cette série de double albums, sortie voilà. En 2012, l'a bien prouvé vraiment. Ouais, voilà, de belles réussites. Hein. The Evil Empire of Everything qu'on vient de s'écouter avec Flavor Flav en forme. C'est vrai qu'il y a eu des moments de creux. C'est vrai que l'époque du Bomb Squad est un peu loin. Les productions sont peut-être un peu moins puissantes, etc. Mais bon, il y a du contenu. Et puis. Ils arrivent à peu près à éviter l'écueil de l'autocitation, ils sont toujours à fond. Et toujours pertinent dans toujours les sujets. Toujours pertinent de toute façon. De toute façon, ça n'a pas bougé, la société américaine, elle a à peine bougé. Le rap US, donc Public Enemy, qu'est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter à tes débuts tout du moins Qui t'ont marqué quoi. Qui t'ont marqué. J'ai pas de souvenirs là comme ça, mais les groupes que j'aimais bien, surtout il y a un crew que j'aimais beaucoup, c'est DITC en fait. Ça c'est vraiment une équipe que j'ai vraiment kiffé parce qu'ils ont ils ont vraiment un son sale quoi. Ils ont un son new-yorkais. Et dans lequel on pouvait retrouver qui par exemple hein? DITC c'est toute une équipe où il y a Fat Joe, après à la prod t'as Large Professeur, t'as Primo, voilà, c'était tout un collectif en fait. J'ai bien kiffé. Ça c'était durant les années 90 hein. Ouais, dans les années 90, même maintenant, ils sont là, ils font leur truc. Hein. Ouais, ils sont là. Oui, il me semble aussi qu'ils n'ont pas disparu. Ouais, ils sont là. C'est moi qui ai lâché. On peut pas tout suivre, mon pote. On va faire un tour par. Les régions. Ouais, alors ça c'est à la rapport région. À la mode France Info, tu sais, t'as l'Île-de-France puis t'as la région, les régions. Avec Diza, je sais pas si tu connais Diza, Kazé. Non. C'est la scène du Mans. Alors moi il se trouve que j'ai grandi en Mayenne. Alors un mec de Mayenne qui passe de la musique du Mans, c'est c'est pas possible. Normalement c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on est censé pas s'aimer, mais vraiment ce truc là de produit par Diza et son crew, le Corner Shop Beatmaker, c'est vraiment très très chouette. On va s'écouter un extrait de l'album Correspondance, donc produit en octobre 2012. On trouve ça sur le Bandcamp de Corner Shop Beatmaker, je crois. Je suis pas convaincu. Si, je pense que ça existe en CD, ça doit pas exister en vinyle. En tout cas, vraiment, moi j'adore les instrus, tu vas voir Greg, il y a un petit côté Apollo Brown, etc. Assez chouette, et puis je pense qu'on va bien se reconnaître, on va être dans la lignée de ce qu'on a diffusé jusqu'ici en termes de contenu et de lyrics, puisque... Il y a un côté, l'écriture est vraiment belle, il y a un côté rage écorné, mais... Parfois fatigué de gueuler, mais avec un parcours assumé, puis une envie d'avenir, quoi, de pas rester sur le quai. Il y a vraiment ce côté-là. Et d'ailleurs. La pochette parle de ça. Voilà, et la pochette parle de ça de toute façon. Et on parlait de rap vieillissant. Je trouve que c'est un bon positionnement. Tu pourras nous dire ton point de vue a posteriori. On s'écoute Diza avec le morceau. Je sais plus si c'est le temps qu'on laisse filer. Je crois. Ce temps qu'on laisse filer. Merci David à la technique. Il est de retour, David, à la technique. David, qu'on l'appelle maintenant 2 plus 1. Toujours la même envie depuis le départ. La passion guide mes pas, remplit mes pages, dis balles, que je vise les bacs et que je médite mes balles. J'ai aiguisé mes beats, révisé mes bases, alourdi mes kicks, ressorti mon beat et affiné mes phases. Traversé quelques frasques, encaissé quelques coups, rencontré quelques doutes et gratté ces quelques phrases. Qu'importe ce qui m'en coûte, le destin que j'embrasse. Je viens verser quelques gouttes et froisser quelques nazes avant la fin de ma route pour laisser ma trace à cet art. Malgré mes torts et qu'à 7 heures, je m'y prenne assez tard. C'est dans ces termes et parce que j'aime cette musique pour ma part, que je fais l'effort face à ma peur, que le temps m'en sépare. C'est par ces rimes éparses, sur simple rythme et basse, que j'immortalise mon taf et brutalise tes baffles. Ainsi je me réalise, me livre à l'opposé des strass entre espoir et nostalgie que je canalise en paragraphe. Gardant les poings serrés, les yeux rivés sur les étoiles, suivant la voie de ce que des cœurs lacérés se dévoilent. Même si j'ai mis les voiles, un temps pour respirer, voici ma voix pour faire. la série se dévoile. Même si j'ai mis les voiles, un temps pour respirer. Voici ma voix pour faire plier ce temps qu'on laisse filer. Déterminé, car j'ai une soif à étancher. On voyait déjà terminé, j'étais à peine à m'y pencher. Retranché, l'air miné, mais la première enclenchée. Un projet à mener, pas l'éternité pour y plancher. Pas près de raccrocher, seul le trépas m'arrêtera. Quoi qu'on me promettra, ou les histoires qu'on me prêtera. Qui souhaite ma fin, qui me regrettera. Ou bien les succès que je fêterai et qui en profitera. La vérité se fait trop vite rare après le premier tube. Notoriété, tu ne changes pas que les habitudes. Parfois la vie, son étude et ses vertus. Alors je m'évertue entre les interludes à ce que mes vertus esquivaient l'amertume, vestige de trahison, non les gardures, car on en oublie les raisons. Je fais face à l'étroiture de ceux dont l'esprit est la prison. Toujours l'inspire depuis l'envers et ma première apparition. C'est que je l'ai cru mort. Je ne meurs pas comme ça. Gardant les poings serrés, les yeux rivés sur les étoiles. Suivant la voie de ce que des cœurs lacérés se dévoilent. Même si j'ai mis les voiles, un temps pour respirer. Voici ma voix pour faire plier ce temps qu'on laisse filer. Gardant les poings serrés, les yeux rivés sur les étoiles. Suivant la voie de ce que des cœurs lacérés se dévoilent. Même si j'ai mis les voiles, un temps pour respirer. Voici ma voix pour faire plier ce temps qu'on laisse filer. On me croyait attendant la pluie, hein. Mais c't'en est plus, que je ne ferai pas de pluie. Même au tournant, on m'y attendait plus. Bizarre. La passion guide mes pas. Corner shop, yeah. Je reprends la plume car on m'attendait plus. Sept match, yeah. Demande à Gigi ce que l'on aime, c'est laver les assiettes. Marre du rap d'avant de voir braver les ancêtres. J'épouserai la fraîcheur pendant que vous déroulerez Ramsès. Tu stresses, tu te laisses faire avant d'appeler tes grands frères. Mais tout ça mis à part, t'as des sous dans le pire appart. Et c'est pas le pur hasard, c'est dans ton crew t'es plus attardé. Tu squattes en plus ma Clyde, mais putain t'as vu ta taille. J'ai vu ta face et vu que t'as pas assez de fans, j'ai pris ta place. J'ai du Milka dans les poches, les pires gars dans mes proches. Je suis ce petit gamin, toujours un petit sac à l'école. Ici le gala des pauvres, non tu ne pigeras pas les codes. Le sud c'est comme les îles, je t'apprends les phases à l'école. C'est Gigi qui médite le minuit à midi et édite très vite des thèmes à éviter pour les oreilles clean. Tous mes flots les vides et hésite jamais à monter d'un régime. Et puis appelez histoires m'en fâche que c'est break clean. C'était match yo, pas là pour vous donner des tas de conseils. Partager le taf qu'on fait à travers des tas de concerts. Viens t'écouler face qu'on s'aime, je sais que tu kifferas, je sais que tu diffras. Je veux autant de liquide qu'une femme fontaine, hey. Ok, je viens de Montpellier. Je reste pas longtemps sur Paname, là-bas je pète un câble. Je suis mis dans le sud à pas me faire chier. Barbecue, rivière, playa, qu'est-ce qui se passe? Ici, ouais, c'est spaz. Laissez, non, ce n'est qu'un enchaînement. Je fais que le répéter pour que ça rentre dans vos têtes. Oh, c'est et match. Même les flics fument sur Ohio. Une petite perquise, c'est banal. Yo, c'est Watch, freestyle, soyez concentrés sur l'écran. Tu kiffes ou tu kiffes pas, ceux qui veulent aider sont des cons. Si tu trash, seuls les questions répondent. Puis je reste gravé dans ta tête comme une plaie sur tes dents. Pas besoin d'y je suis des 10 prolets, un peu weed et tease, un, deux, trois micro-tests. Je fais pas 10 promesses, je rends le micro-gaze. Entre le faux et le vrai, je suis devenu schizophrène. Hey, j'ai pas le temps de blaguer, graffé sur le terrain vagueux. Le pur à nous vraiment, c'est porte négro, tu t'es un dalleux. Je raille la prod, j'en ai même le vent qui bloque. J'ai tellement de gimmicks que les gens me prennent pour un ventriloque. Et bla bla bi, ouais ouais bla bla bla. Je bois du Jack Dany et du rhum Guadada. On s'en bat les couilles des bitches si tu fais la belle bouche. C'était matché du saveur de l'année par la belle rouge. Tu veux nous check, descend dans le sud. Freestyle au bagel, c'est la con des cuves. Cream cheese, saumon, avocat, pain, graines de pavot. Salade, tomate, oignon, grillé mais pas trop. Je mange des bagels, tranquille. Avec mon équipe, ouais c'est là qu'on chill. On lâche des flots de malades, ouais c'est ça le deal. Mais si tu veux nous check, descends dans le sud. Descends dans si le c'est sud. C'est match high level, quitte à dunk et chat. J'espérais nous fumer, mais t'es qu'un pégate. Suis qu'on mange, kick le beat de manière impeccable. Yo dans le rap, j'suis comme chez Wam, d'après Bunk et Fa. Tu prends le mic et gueule, que tu veux des tasses et des bitches. Arrête de rapper, c'est de la merde, t'en as déjà assez écrit. Tu fais pas de différence entre dégueulasse et exquis. Tu passes à la radio, mais les gens diront ce connard, c'est des qui. Yo c'est Bunk, c'était match, vas-y bouge, c'est l'éclate. Viens déguiser sans déprime, j'mets des rouges, t'es des claques. Viens des bourses et des faves, si tu veux goûter mes rap. Quand j'ai le temps, je fais des courts-métrages pour booster mes tracks. J'ai bien trimé et crisé avant d'écrire et maîtriser. J'ai poussé des cris débridés, gardant à l'esprit d'éditer. Un jour mes pistes et mes idées pour les petites mises, même timides, faire des clips, t'aimes 60s, même pour les types efféminés. C'était Match dans le secret du son d'Abba avec le morceau Wesh Bagel tiré de leur maxi autoproduit téléchargement libre qui s'appelle 7 d'automne, qui était sorti en 2011, fin de l'année 2011, qu'on avait déjà passé dans le secret du son d'Abba. Depuis, les petits gars de Montpellier et potes de Grems ont poursuivi le chemin, un peu parcouru le territoire français, et Vlatipa qui sont signés chez Atmosphérique et qui viennent de sortir un nouveau maxi avec l'album qui va sortir dans la foulée. Entre temps ils ont perdu un gars, voilà, le deux morceaux qui viennent de sortir du maxi, c'est moins, voilà. Quand tu finis ça, moins percuté. Ouais, quand il finit pas tes phrases, c'est que c'est pas bon. Mais non, mais j'en sais rien, on verra. Kazet, ça fait partie des trucs auxquels tu t'intéresses. Enfin, c'était Match ou. Bah, je connaissais pas. Tu connaissais pas, tout simplement. Pas, non, tout simplement. Pas. Cette scène un petit peu. Avec Némir, là. T'as parlé de Grems. Némir, je connais. Voilà. Némir, je connais, j'aime bien. Des gens comme Rimcash. Je connais pas. Donc ouais, c'est cette scène un petit peu... Du sud. Enfin, Rimcash, je crois que c'est Montreuil-sous-Bois, si je dis pas de bêtises. Hein, mais c'est presque le sud. Grems aussi, c'est région parisienne. Oui. Il a joué il y a pas très longtemps à l'Econova, d'ailleurs, Grems à l'automne, juste après le Festival des Indisciplinés ici, d'ailleurs, je me souviens. Je t'en avais parlé, et puis on n'avait pas eu l'énergie, je sais pas pourquoi. Bah, des fois, on n'a pas eu l'énergie. Un peu rincé. Mais ouais, c'est cette scène, on va dire, qui manie un petit peu la culture du non-sens, la provo... C'est un petit peu arty, ils font du graph, ils font des clips, ils font un petit peu de maille aussi par la même occasion. Et c'est un petit peu les, on va dire... Le modèle économique du rap, en tout cas. Je sais pas, ouais, c'est bon, de toute façon, ils ont tous plus ou moins traîné avec TTC, ces gens-là, au départ, en tout cas ceux qui sont de la région parisienne. Mmh. En tout cas, pour cet E-Match, on est quand même sur des gens qui... ont déjà bossé beaucoup, nous on avait déjà passé auparavant avec sur une très belle prod Utsunmohawk qui vient vraiment de la scène électro, et du coup on voit du coup des nouveaux sons qui viennent évidemment de la scène grime anglaise et aussi des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez, Kazet, les copains autour, des sons? Non, franchement non, c'est pas trop ce qu'on écoute. C'est pas trop notre délire. On parlait du rap en région, là, mon expression façon France Info. T'as eu des belles rencontres avec des artistes. On a passé Disa en direct du Mans. Mm-hmm. T'as fait quelques rencontres, ça et là. Bah ouais, tu croises des gens, mais je te dis, la dernière vraiment qu'on kiffe bien, bah, c'est Virus en fait. D'accord. Qui lui est de Rouen. Voilà. Voilà, mais ouais, on croise du monde, ouais. D'accord. On croise du monde. Ouais. Tu peux. Ça donne des envies de faire des choses ensemble, ou c'est juste pas nécessairement. Du soutien mutuel dans une ouais, scène. Ouais, tu croises des gens, voilà, tu dis ce que tu penses, ou même si t'aimes bien, on parle pas trop avec les autres, tu vois. Donc voilà, il y a des choses que t'aimes bien, mais pas nécessairement aller déranger quelqu'un. Oui, tu sais, j'aime bien, c'est tout, tu vois. Et puis les rencontres, ça se fait ou ça se fait pas, c'est pas des trucs qu'on force, quoi, tu vois. Ça se fait comme ça vient, mais c'est pas... Effectivement, il y a des gens, dès qu'ils aiment bien quelqu'un, ils ont besoin de chanter avec. C'est pas un besoin viscéral chez nous, quoi. Tu vois, on peut aimer bien quelqu'un sans pour autant vouloir absolument faire un titre avec lui. C'est même souvent ce qui arrive, en fait. C'est comme ça. On peut dire quelques mots avant de poursuivre, au-delà du fait que dans quelques heures tu vas monter sur scène à Lorient. Ça fait quelques temps que tu vas et viens entre le Blanc-Mesnil et la Bretagne ces derniers temps. Il y a le festival de cultures urbaines qui touche à sa fin, se tenait à la fois entre Rennes et Lorient. Quelques mots sur ce qui s'est passé là ces dernières semaines ici à Lorient. Bah, c'est surtout j'ai fait des ateliers d'écriture avec des jeunes des Quevins. Je les salue et ça c'était bien, quoi. C'est une bonne rencontre, on a bien déliré ensemble. Normalement ils sont censés terminer leur clip là, très prochainement. Ça, c'est vraiment, pour le coup, ça n'est pas un coup d'essai pour toi que d'accompagner des jeunes Tu l'as fait à plusieurs reprises, ouais, et pas uniquement que sur le territoire métropolitain. Je me souviens que tu nous as parlé d'une expérience aussi du côté de la Guyane. Ouais, j'étais parti en Guyane l'année dernière, et ça aussi c'était bien. Mais ouais, des ateliers, j'en fais souvent en fait. Et là, c'était Kiva, j'en ai fait aussi à Nantes, aussi, y a 15 jours de ça. Dans le cadre du gros festival Hip Hop Session. Voilà, exactement. Ouais, c'est des choses que je fais souvent, en fait. Ouais. Avec du bonheur renouvelé, en fait, c'est-à-dire ouais, à chaque fois, bah s'il n'y oui. a pas le côté, ça va être toujours la même chose, etc. Non, non, parce que c'est jamais la même chose, t'as jamais affaire aux mêmes personnes, donc ça peut pas être la même chose. Mmh. Ça peut pas être la même chose, et puis l'échange est intéressant. Mmh. Ouais. Il y a eu aussi une table ronde autour cultures urbaines et genre. Non, alors c'était pas initialement dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, mais c'est trouvé ça tombait ce jour-là. Ouais, c'est intéressant aussi. Ouais, pas assez de monde malheureusement. Moi, je sais pas. Moi, je vois pas les choses comme ça. Il y a des gens, même s'ils sont deux, ils sont là quoi. Oui, et en même temps, c'était. Et échanges. T'as eu ça. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? J'étais. En début de semaine aussi, j'étais à Lorient et à Rennes avec Alice Diop et Steve. Et Steve. Putain, j'oublie son nom de famille. Bref, qui joue dans le documentaire La mort de Danton. Et on a pu le diffuser ici. Et ici à Lorient et à Rennes, et voilà. Des jolis débats aussi. Ouais, il y a eu un moment, enfin une question du public qui venait de voir le documentaire. Et non, c'était bien. C'est bien. Mm. Tu vas revenir à Lorient si je ne m'abuse. C'est pas terminé. Peut-être. On ne veut pas te lâcher ici. Peut-être. Peut-être, c'est pas fait. Peut-être, c'est pas fait. Ça a D'accord. discuté. Peut-être au mois de juin. D'accord. Pour des ateliers. En fonction des opportunités, voilà, c'est en train de se construire. Peut-être des ateliers en maison d'arrêt. Voilà, mais c'est ah peut-être. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça dépend de pas mal de choses. Ouais, enfin, ça dépend des trucs qui vont pas intéresser les gens ici, quoi. Mais peut-être. Ok. On poursuit avec un nouveau choix de ta part, DMX. Ouais, DMX, le morceau Who We Be. Qu'est-ce que c'est que DMX? DMX, c'est un rappeur de la East Coast. Avant, faut que je fasse un rétablissement de correction. DITC, en fait, c'est Show Energy et Lord Finest. Voilà. Et non et pas Large Professeur. Et j'ai dit Large Professeur. Voilà, qu'on embrasse quand même au passage Large Professeur, parce que du coup, ouais. J'aurais été déçu quoi, qu'on ne parle pas de lui. Voilà. Donc, DMX. DMX, le morceau We Be. Et puis, j'aime beaucoup ce morceau. Il nous vient d'où? C'est New York. New York, c'est ouais. Parti. DMX dans le secret du son là-bas. Yeah. Another one of those. This is for my nigga Q. Down to earth, join the peace, baby. You know how we roll. There's so many that don't know. This goes out to my nigga Q. Rest in peace, baby. The drama, the guns, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama, the projects, the drugs, the children, the thugs, the tears, the hugs, the love, the slugs, the funerals, the wakes, the churches, the coffins, the heartbroken mothers, it happens too often, the problems, the things we use to solve them, Yonkers, the Bronx, Brooklyn, Harlem, the hurt, the pain, the dirt, the rain, the jerk, the fame, the work, the game, the friends, the foes, the hoes, the studios, the shows, comes and it goes. The jealousy, the envy, the phony, the friendly, the one that gave them the slugs, the one that put them in me. The snakes, the grass, too long to see the lawnmower sitting right next to the tree. Go to jail or get your ass kicked. The lawyers, the part, they are of the puzzle. The release, the warning, try not to get in trouble. The snitches, the eyes, probation, parole. The new charge, the bail, the warrant, the hold. The cell, the bus, the ride, a car. The greens, the Nobody knows what happened. What? The 2 years in a box, revenge, the plots, the 23 hours that's locked, the 1 hour that's not, the silence, the dark, the mind, so fragile, the wish that the streets would have took you when they had you, the days, the months, the years, despair, one night on my knees, here it comes, the prayer. Tribulation, my heart, my walls, my mother, my father. I love him, I hate him. Wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives, and bats. Every time I scrap, the hustling, the dealing, the robbing, the stealing, the shit hit the ceiling. Little boy with no feeling, the frustration, rage, trapped inside a cage, the beatings till the age. I carried a 12 gauge. Somebody stop me, somebody come and get me. Little did I know that the law was riding with me. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. Party a look so, da. How the party a look so? How me girl them turn up on a look so? What you do to me? Selecta, bounce a wine fi the girl them bubble pan. If you love fi see the girl them a bubble, put up your hand. You play a song fi girl Starbucks blank. Now the girl them time. Play a song fi girl white. Watch big selecta a player, you no rookie. Catch the baseline, watch the girl them a should be. Hey, when the girl them a dip it and a drop it, you a batty man. If you no happy, follow me then. Y'all a dash out, so me glad me come out. Ready Philip, what you talking about? Road me live, me no want see no house. We a rave and a wait, and the sun to come out. Gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Bubble dem a bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Alright then, y'all live on head top a spin like gig. Me a fe ask if some of them write it. Watch the one day, with the wire waistline. Watch a body there, yo dog. Look how that beat, cock up y'all. Show your talent and skill. Red label wine, you a turn on the trail. Lick a bus in a me head like grenade. But all when me talking, delayed me not left. Y'all a dash out, so me glad me come out. Ready Philip, what you talking about? Road me live, me no want see no house. Me a rave and a wait, and the sun to come out. Gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble dem a bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble dem a bubble. Selecta, bounce a wine a fi the girl dem bubble. If you love to see the girl, let my bubble put up your hand. You play a song, the girl Starbucks blank. Now the girl them time, play a song, the girl white. Watch, big selector a player, you no rookie. Catch the baseline, watch the girl them a should be. Hey, when the girl them a dip it and a drop it, you a batty man. If you not happy, follow me then. Y'all a dash out, so me glad me come out. Ready Philip, what you talking about? Road me live, me no want see no house. We a rave and a wait, and the sun to come out. Gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Bubble dem a bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Alright then, Y'all dey pan head tap a spin like gig. Me a fe ask if some of them right it. Watch that one day with the wire waistline. Watch a body there, yo dog. Look how that beat cock up, y'all. Show your talent and skill. Red label wine, you a turn on the chill. Lick a bus in a me head like grenade. But all when me talking, delayed me not left. Y'all a dash out, so me glad me come out. Ready for left, what you talking about? Road me lit, me no want see no host. Me a rave and a wait, man is on to come out. Gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble dem a bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble dem a bubble. Yeah, order party a looks. Party, order party a looks. Order party a looks. We are up to me. Follow me then, y'all had a shout, so me glad me come out. Ready Philip, what you talking about? Road me live, me no want see no host. Me a rave and a wait, pan is on to come out. Gala bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Bubble dem a bubble, bubble gala bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble. Alright then. Conscience dans le secret du son d'Abba. Alors il nous vient d'où ce garçon? Juste avant DMX Terrible, on connaissait ni l'un ni l'autre, Rigula. Grosse claque hein. Ouais. Alors moi je connaissais le nom, mais ça fait hyper longtemps que j'avais pas écouté une prod là, et là vraiment elle tuait. Hein. Vraiment. Bah écoute, il a fait plusieurs albums. Bah non, mais c'est bien ce que je dis. N'hésitez là... pas à aller récupérer, ouais. Parce que DMX c'est quelque chose. Terrible. Et là donc du dancehall. Dancehall normal. Je suis des Antilles, c'est normal, c'est classique. C'est ce qui tourne le plus souvent à la baraque. Ouais, et ça c'est vraiment un des fondamentaux en ce moment en tout cas ou... Ouais, enfin Conscience, j'aime bien, ça bouge bien, c'est frais, putain de flow, tout. Enfin voilà, dancehall c'est normal, c'est dans le sens, c'est ce que j'écoute chez moi, ma famille, c'est ce qu'ils écoutent toute la journée, écoute ça. C'est les Antilles, quoi, tu vois, c'est une part des Antilles. Ou l'Anménil comme en Martinique quand tu parles de ta famille. Ouais, partout, ouais. Partout. Mais ouais. Voilà, c'est ce qui tourne. C'est tout ce qui est musique afro-caribéenne, c'est ce qui tourne dans la famille et à la baraque. Ok. On va pas tarder à te laisser, juste peut-être que en profiter, on a dans le studio, alors il a pas de micro, c'est dommage pour cette fois, mais on va en profiter pour que tu nous présentes quand même DJ Cozy qui sera dans quelques heures donc à tes côtés sur la scène du Manège à Lorient. Mm-hmm. D'où vient-il, etc. Qui est DJ Cozy? Cozy, on se connaît depuis un bout de temps, depuis la rentrée on bosse ensemble. Et puis, t'as vu, c'est relou de parler de lui alors qu'il est à côté. Mais... ouais. Non, mais on ne demande pas forcément de sortir moult compliments. Mais voilà, il est très très fort. Voilà, il est très très fort. Et il nous vient aussi de... Région parisienne. De région parisienne. Ouais. Saint-Denis. Non. Le Valois-Perret. Ouais. Il a travaillé ouais. Avec qui auparavant, sur quel type de prod hein? Cozy, il est DJ en fait. Cozy, il fait pas de prod, il est surtout DJ. C'est son instrument, ce sont les platines. Voilà. Bon. En tout cas, on va se quitter avec Psychic Lyrica. On va. Oui, je crois que t'as partagé la scène avec lui. Notamment, moi, je t'ai vu à Rennes. Il jouait juste avant, je crois, d'ailleurs. Ouais, c'est arrivé à plusieurs reprises ouais. qu'on joue sur la même scène. Ouais. T'aimes bien ce qu'il fait aussi. Alors les gens qui savent pas comment décrire trop ce genre de musique parlent de rap conscient. Enfin en tout cas lui aussi il a son univers bien personnel. Mm-hmm. Il a beaucoup travaillé avec Olivier Mélano. Là ce qu'on va écouter c'est peut-être moi ce que je préfère, c'est-à-dire quand c'est plus rentre dedans. C'est très incisif et très court. C'est ce que j'aime moi aussi. Ok. Eh ben écoute Kazé, merci en tout cas d'avoir merci été. Merci de l'invitation. Ça nous a permis de encore mieux de te connaître et en tout cas j'espère aux éditeurs de donner envie en tout cas d'écouter, continuer à écouter ta musique et d'aller vers les concerts aussi, ouais. Et d'aller au concert. D'accord, bah merci à très bientôt. Merci de l'invitation, à bientôt, au revoir. On s'écoute Psychic Lyrica, Psychic Lyrica, Freestyle 2.0 dans le secret du son d'Abba. Thank you. slow gauche, droite, direct. Posez-vous, brillez, pliez pas les pattes. On a déjà grillé vos facettes. Le goût du sang dans les chicots, dans les astres. Le bout du plan B, la rage pour aiguiller les basses. La nuit m'appelle et m'enterre. Pister le vice, mode panthère. A briser le silence et quitter la piste. La vie en roue libre, entachée de coups. Quelques histoires à souffrir qui t'ont bousillé debout. Écarter les remords et piller les envies. À trop traîner dehors, le vent, la pluie, les songes à brûler les appuis. La tête relevée dans l'épreuve, guerrier de la nuit. Ferme un peu ta gueule, on sera pas les derniers de la liste. On rentre seul, même au bras des filles. On sait qui t'a fermé la grille. On sent les regards, on flâne, on a cerné la ville. On marche seulement sur le fil, salement, salement sur le bitume vers le vide. On attaque si tu veux refaire le film. Des reflets terre de sel pour les potes. Où je lève ma bouteille vers le ciel pour les frères qu'on a perdu trop tôt. Tilted it on Polish ship. Spectac! Premium! Ready to my lady! My mind is a sparker! It is on the way! We just a sound down! All sound toy out of it! We just a sound down! All sound toy out of it! Oh no, we'll be dead! The second shred! We got the liquor! The room will up a feather! My God! Press upon a guillotine left! Blip up! First day we the fucking left! Get your hand up, hold down to your dead. We get your hand up, hold down to your catch. Premium, let it up one night. Come on, get your spark. In any old climate, CLG theme. Spell it up on time. Octopus on it. Occupy open. Occupy bosses. Occupy language. Occupy bargain. Occupy honor. Get up with that, with that, with that. Get up with that. Juste dans le secret du son d'Abba, on n'avait pas eu l'occasion de revenir sur cet album Matching That Makes Civilization Fun, sorti en 2012, parce que voilà, on a, c'est toujours le problème de la sélection. C'était l'occasion, la venue de KZ, de remettre un petit peu de lumière là-dessus. Bijouz qui avait fait partie des excellents Company Flow avec LP, qui a sorti cet album que j'invite vraiment les gens à redécouvrir, et à mon pote Monsieur Melon, parce que vraiment on pourrait croire presque que c'est un morceau de Death Grips. Le reste de l'album est quand même un peu plus moins frontal, mais en tout cas c'est vraiment un très bon album de hip-hop avec beaucoup d'idées. Non mais voilà. Grégo, là j'ai pas dit que je n'aimais pas, on en a parlé, c'est simplement qu'il avait fallu faire des choix, et que cet album avait été très largement défendu, notamment par la presse française à l'époque, et que c'est vrai que j'avais eu envie de me tourner vers des choses du style Go Ahead and Die, etc., qui peut-être méritaient à mon sens, voilà, moins défendu. Mais ouais, non, mais et puis bon, voilà, j'aime bien cet album, mais je le réécouterai. Ouais, vraiment, c'est un joli album. Voilà, peut-être pas, parce qu'on a souvent fait la comparaison en 2012 avec l'excellent album de LP. Voilà, il est plus tortueux,